c'est la fabrique. Je représente avec un style que tout le monde estime. Je m'installe ici, viens niquer le bise en toute modestie. Ma voix émerge sur ce beat, fait briller le sang. Tu kiffes le son, je vise, tire et touche le sang. Pour les faux, je suis le triste sort, venu de nulle part. J'ai un gars qu'on ne calcule pas, flow fort, le genre de gars auquel tu ne te frottes pas. J'ai pas une bad clique, mais qui conteste les nôtres et qui conteste se fait mettre mal, ambiance bad trip. V'là ma troupe, la foule s'agite et c'est hoche comme une descente auquel s'ajoute. J'la, c'est fusil à pompe, moi j'fous le bordel sans armes. Juste un micro dans la paume, mes rimes fusent et tu les sens comme une baston sous la peau. À ce qui paraît, le rap c'est de la merde, ben j'ai les pieds dedans. La tête sur les épaules, frère, je sais sur quel pied j'danse. Baisse ceux qui pensent que j'dormais, au mic qui m'affirme et montre qui maîtrise désormais. Et reste là pendant que d'autres désertent, voix claire dans ce désordre. Et le vrai du faux, j'discerne. Toi et les tiens, vous voulez test qui? Expédition punitive, impossible de mesqui. C'est la combinaison de maître, de MC et un beat trop fort. On se place dans ce deal pour vous la mettre profond, hein. Toi et les tiens, vous voulez test qui? Expédition punitive, impossible de mesqui. C'est la combinaison de maître, de MC et un beat trop fort. On se place dans ce deal pour vous la mettre profond. Je me présente avec un style fat, fousbeul comme quand y'a brouillon. Dickens, Jerrycan, la fabrique, chant que c'est bouillant. C'est pour les miens, y'a pas de soucis. Un son brut pour les sous-sols, mais crasse strike, un saut sociable en cabine, rien que du vrai derrière cette vitrine. Sur ce morceau, innocent ou pas, c'est toi la victime sans excès. Quoi que j'excelle, les faux sont excédés, les traites sont exclus, mon texte but, vois ces chiens décédés. Je suis un poison en train de mûrir, murmure dans les salles obscures. La variété, je veux le voir pourrir. Microphone en main, chaque phrase de ma part, rien de ces faux en moins. Et à terre, j'en fous 10 au moins. Je laisse des traces comme une schneck qui mouille trop. Y'a rien de profond, c'est pas un serment, mais toi t'en baves comme ceux qui sucent trop. Ça part en 7 dessus, on est 4, plus un bal, grosse caisse et caisse claire. Pour ton petit boule, on sera 7 sûr. Y'a pas de chichi, j'kiffe Rebeu et Chin Chin. La fabrique, yo, DJ, champagne Chin Chin. Toi et les tiens, vous voulez test qui? Expédition punitive, impossible de mesqui. C'est la combinaison de maître, de MC et un beat trop fort. On se place dans ce deal pour vous la mettre profond, hein. Toi et les tiens, vous voulez test qui? Expédition punitive, impossible de mesqui. C'est la combinaison de maître, de MC et un beat trop fort. On se place dans ce deal pour vous la mettre profond. Tire un coup en l'air, c'est pour les absents. Un autre dans le tas, juste pour crever l'abcès. J'entends que ça parle mal, je trouve ça absurde. Pour toi, je crache des lyrics liquides pour que tu les absorbes. Le bis part en couille, je reste là et j'observe. Taffant la rime dans l'ombre, car percer le truc qui m'obsède. Pourquoi tu t'obstines à vouloir tester les quatre types au flow distinct? C'est dangereux comme toi avec le feu, donc garde tes distances. Y'a rien de surhumain, juste des propos qui surinent. V'là le topo. Même si on a le flow qui vaut de l'or, le tien trop pauvre. Du vrai, c'est ce qu'on te propose. Au sommet, ce beat me propulse. Je rappe pour que mes cailles bougent la tête et disent trop fort. Je fais les choses simplement sans trop en faire. Sincère, je triche pas comme un sportif carburant aux enfers. Là, je crois que c'est bon, donc venons-en au fait. On a l'équipe qui mène au score. Toi, tu pleures, marrant comme une balle tringue, se prenant pour le plus gros scar. Hors de mon stylo, l'encre jaillit, c'est un exercice de style. On mène les fois à la faillite. Toi et les tiens, vous voulez test qui? Expédition punitive, impossible de mesqui. C'est la combinaison de maître, de MC et un beat trop fort. On se place dans ce deal pour vous la mettre profond, hein. Toi et les tiens, vous voulez test qui? Expédition punitive, impossible de mesqui. C'est la combinaison de maître, de MC et un beat trop fort. On se place dans ce deal pour vous la mettre profond.